ta pour moi pour plaire. Laisse à tes mineurs, moi pas taper ta balle. Les moins de faire déclaration, les gars de Bliwi avec 52 ans. Et dis-moi piti, à quoi l'on pas gagne l'argent, pour pas chercher les mains. Moi vine parti. Oh yeah, oh, oh yeah, oh, oh yeah, oh. Imagine toi ta pas peur qu'on passe.